En Corée, la cérémonie d'inauguration des écoles primaires et secondaires de Haeju pour orphelins a eu lieu le 4 mai. Y ont pris part les cadres intéressés, le personnel des écoles, les orphelins, les bâtisseurs, les volontaires et les travailleurs de la ville de Haeju. Les écoles construites de façon particulière au site pittoresque, entouré de la forteresse de Suyang et au bord de la mer de l'Ouest, sont dotées suffisamment des conditions d'enseignement et de vie, comme le bâtiment possédant les classes multifonctionnelles et informatisées et les laboratoires, ainsi que le pensionnat et le gymnase.